Activité 3. 1. C'est Valentin. Il y a une nouvelle exposition au Musée des sciences. Mardi, je vais au théâtre. Est-ce que tu veux venir avec moi voir l'exposition mercredi? 2. Allô, c'est Léa. Je t'appelle pour te dire que le film est à 16h30. Est-ce que tu peux acheter les billets? Je fais des courses et j'arrive. Merci. 3. Salut, c'est Diana. Est-ce que tu peux apporter un gâteau à la fête d'anniversaire de Samuel? Moi, j'apporte des boissons. Merci.